FrenchPod.com. Tu es prête? Oui. On y va à pied ou en voiture? On tire ça à pile ou face? Ok. Pile, on y va à pied, face, en voiture. Tiens, voilà une pièce. Parfait. Je peux mettre mes talons aiguilles.